Le 8 septembre, le porte-parole du ministère coréen des Affaires étrangères a publié un entretien qui dit « Obama, lors de sa tournée au Laos pour la conférence au sommet de l'Asie de l'Est, a péroré dans une conférence de presse conjointe que le lancement de nos fusées balistiques est provocateur, que le programme nucléaire et de fusées balistiques constitue une menace aux partenaires de la région et aux États-Unis, que la provocation entraînera une plus forte pression et qu'il fera des efforts pour rendre plus efficace la sanction contre la Corée. » Ces propos montrent ses emportements désespérés pour éviter la critique plus véhémente de l'intérieur et de l'extérieur contre l'hostilité américaine à l'égard de la Corée et pour intensifier davantage la pression internationale sur nous. Comme nous avons affirmé plusieurs fois, nos mesures de renforcement des forces nucléaires sont destinées à préserver la souveraineté du pays et le droit de la nation à l'existence contre la menace et le chantage nucléaire plus accentué des forces hostiles sous la coupe américaine et à garantir la paix dans la péninsule coréenne et la sécurité de la région. La paix et la sécurité authentique ne sont pas le résultat d'une sollicitation ni d'un dialogue pour un compromis. La réalité actuelle montre une nouvelle fois de plus la vérité évidente que seule sa force permet de défendre son destin. Face à l'hostilité américaine qui tente de menacer notre souveraineté et notre droit à l'existence, nous prendrons par multiples étapes des mesures d'accroître la capacité de frappe nucléaire.